Les autorités sud-coréennes prétextent le piratage informatique du Nord pour la confrontation avec les compatriotes. Le parquet a publié le résultat d'une enquête qui prétend que le Nord a piraté les courriers électroniques des fonctionnaires. C'est pour détourner l'opinion de la population sud-coréenne indignée contre la décision de la disposition du SAD et éviter la pire crise de domination. La bande de Bakune sensibilise sur le piratage du Nord pour instituer la loi sur la prévention des cyberattentats, loi fasciste.